Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau film d'animation. Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les hommes et les puissantes machines qu'ils avaient créées. Sachant l'humanité condamnée, un scientifique crée 9 petites créatures fragiles et sans défense à partir d'objets divers ramassés dans les décombres. Le dernier né de cette famille, le numéro 9, a une mission. Je t'ai façonné de mes propres mains. Tu es ma 9e création, la plus aboutie. Tu trouveras la place qui t'est destinée dans ce monde. Attends, je suis ton ami. Quelle ingéniosité! Les détails sculptés dans du bois. Viens avec moi. Tu ne le sais pas, mais l'avenir de l'humanité est entre tes mains. Où suis-je? Avec nous. On a réveillé quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Tu vas ramener la bête jusqu'à nous. Si on fait vite, on peut le sauver. Ah, vous êtes fous. On a besoin de toi. C'est par là qu'elle l'a emporté, vers ces 3 hautes silhouettes. On peut encore aller le chercher. Oh non, nous avons des règles. Lui, il irait à ton secours. Tu vas protéger le futur. Numéro 9, un film de Shane Acker, disponible en DVD Blu-ray M6 Vidéo.